Je m'appelle jusqu'en 2006. Je ne connaissais pas mon âge réel. C'est seulement mes 26 ans que j'ai appris quel âge j'avais réellement. Donc à l'heure actuelle, j'ai 29 ans et je suis né le 23/4 1982. Ouais, donc Votem, je suis resté une sorte de 4 mois à Votem. Et sincèrement, je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec l'argent qu'ils reçoivent pour les étrangers. Quand je suis entré là-bas, la première chose que j'étais voir, c'était la salle de sport, pour que les gens puissent vraiment s'occuper. Délabré, aucune. Tout le matériel qu'elle a sont foutus. Donc j'ai même parlé au directeur, j'ai dit, mais où sont les moyens? Pourquoi on mettait pas de, comment dire, de matériaux pour ces gens-là? Ils ont quand même besoin de se dégager, ils sont enfermés comme des animaux de bétail. Le seul moment où ils ont pour se défouler, c'est ce moment-là. Pourquoi vous mettez pas de matériaux, comment dire, appropriés? Mais j'ai pas de réponse. Voilà. C'est que je trouve aussi bien votre thème, sincèrement. C'est que ils font pas la séparation entre les prisonniers et le personnel. 2 heures de midi, tout le monde mange ensemble. Et quand tu as quelque chose à dire, tu peux le dire directement à table. Et je ne ratais pas cette occasion, je vous assure. On est limité dans le dortoir. Hein. On est 3 ou 4, 2. Et on ne se retrouve pas à 16 comme à Bruges ou à 20 comme à Bruges. Sortir de la chambre et entrer dans la chambre, tu peux le faire quand tu veux. Ça, c'est votre thème. Hein. Tu sors 3 fois par jour, je pense, pendant l'été, 2 fois par jour pendant l'hiver. C'est quand même 2 heures assez larges. Tu peux te défouler, courir, jouer au foot, jouer au basket. Sincèrement, il n'y a pas moyen de s'embêter à votre thème, entre guillemets. Si tu es une personne dynamique, tu ne peux pas t'embêter. Ça, c'est vrai. Voilà, donc la situation de l'enfermé, personne n'aime bien, personne ne peut supporter. Donc à un moment donné, je commence à en avoir marre, je commence à organiser ma section pour faire un grève de faim. Pourquoi t'en avais marre si c'était possible de ne pas s'embêter? Ah, s'embêter, mais comment on peut t'enfermer? Enfermé, on te dit qu'est-ce que tu dois faire, on te dit comment tu dois te comporter, on te dit non, non, il est quand même enfermé. Même si t'es pas enfermé dans ta chambre 24/24 comme en prison, que tu peux entrer, sortir, aller dans la salle de télé, dans la salle de dortoir ou aller dans une chambre à l'autre. Mais t'es enfermé. T'es enfermé, tu peux pas voir ta famille, moi. En fait, la question, c'est même pas physique, c'est moral. La souffrance n'est pas physique. Parce que physiquement, sincèrement, t'es là, tu fais du sport, tu vois les gens, mais c'est moral. T'as ta famille, j'ai une fille qui est dehors, j'ai mon petit frère qui est dehors, j'ai des amis, j'ai une vie, quoi, autour de ça. Je sais pas comment je peux. Aussi des obligations, comment je peux respecter mes obligations si je suis enfermé? C'est pas gay que ta fille vienne te voir enfermé, ou c'est pas gay pour des gens qui vont me les déranger, je suis enfermé, envoyez-moi de l'argent, ou des lire des lettres, au lieu de lui parler directement, ou de communiquer. La souffrance morale n'est pas physique. Et donc j'ai organisé ce grève de faim. Ils m'ont pas laissé le temps, donc j'ai ce grève de faim. Avec c'était moi l'organisateur, ils m'ont envoyé à Bruges. En croyant que ça allait m'arrêter. Bruges, comme ça, au moins, j'ai pu découvrir aussi ce centre qui est complètement flamand, avec des autres méthodes de travail. Là-bas, t'as pas d'éducateur, à part un psychologue, un social que tu vas voir de temps en temps, mais ils sont pas autour de toi 24, 27, 24. 7 heures, debout, tout le monde dehors. Dans leur toit, ils viennent faire des 20 personnes, des fois 40 personnes. Des heures de sortie, c'est 2 fois par. Des cours sont beaucoup plus petites. Même le salon là où convivial, c'est beaucoup plus petit. Donc, non, c'est horrible, Bruges. Bruges, horrible. Bruges, c'est horrible. On ne propose rien. Par la seule proposition, c'est que si tu as envie de retourner chez toi, on peut te donner des sous. La seule proposition qui est. Tu es resté combien de temps à Bruges? À Bruges, je suis resté 4 mois, équivalent de l'autre. Ça veut dire que j'ai fait 8 mois enfermé en total. Psychologiquement Ça laisse des séquelles. C'est clair, ça laisse des séquelles. On s'y fait, hein. Donc là, je vais peut-être voir un psychologue d'ici peu pour voir un peu où j'en suis et remettre les cases dans l'ordre. Sinon, non, ça laisse des séquelles. C'est dans le contexte d'enfermement, où tu es enfermé, où tu n'as pas de liberté. Il y a une personne qui travaillait dans le ministère de l'Intérieur, connaît bien les régions africaines, qui est venue m'interroger. Je ne sais pas ce qu'il voulait savoir. Si j'étais angolais, je disais non, j'étais belge. Je disais j'étais belge. Il me demandait pourquoi vous êtes belge. Je dis madame, parce que j'étais lien. en Belgique, j'ai ma fille en Belgique, j'ai des amis en Belgique, j'arrive ici jeune, j'ai fait mes études primaires et secondaires, et donc le seul pays que je connais le mieux, c'est la Belgique, et pour moi, je suis belge. Non, non, non, non, vous êtes pas belge. Alors, il m'a tellement saoulé, je lui ai dit, madame, donnez-moi 5 jours et je quitterai votre putain de pays. Et finalement, il m'a donné ces 5 jours. Youpi! J'ai pu sortir de ce centre fermé. Après 8 mois, je refais les démarches. Et le 7 mars, ils ont pris leur décision. Vous avez le titre définitif, monsieur. 2011, Eduardo et ses papiers, 10 ans après. Bravo. On voulait savoir, est-ce qu'il y a de la violence dans les centres? La violence verbale? Il y en a tellement de la part des vigiles. Et des fois, oui, quand ils t'arrêtent, quand ils t'emmènent en cellule, ils peuvent être très violents, très très violents. Ils peuvent te frapper, ils peuvent te... Donc bon, toujours avec des précautions pour ne puissent pas porter plainte. C'est-à-dire? Ah ben, ils mettent des gants ou ils prennent des bottins, comme la police ils font, ils tapent dessus. Mais non, je pense qu'aussi, ça dépend du poids. Donc si tu vois, c'est un peu fragile, t'es bouffe vraiment. Mais si tu montres un peu de tête, tu mets un peu à l'écart. Mais si tu vois qu'il monte un peu de tête, tu changes complètement de centre et tu mets dans un centre plus sévère ou comme Mérès Place, là où les gens. Ils frappent vraiment. Hein. Ils frappent vraiment. Donc oui, il y a de la violence dans le centre de famille. À vos thèmes, c'est quelque chose, justement, la présence de ces éducateurs qui sont là, qui fait quand même, une prévention, un œil sur ce que les gens font. Mais quand il n'y a pas ce genre de présence, je pense que les gens se sentent encore beaucoup plus libres de faire ce qu'ils doivent faire. Mais les centres fermés doivent tous être fermés. Hein. Il n'y a personne qui doit être enfermé parce qu'il n'a pas de titre de séjour, parce qu'il n'a pas de carte d'identité. C'est pas légal qu'on puisse enfermer des gens parce qu'ils n'ont pas d'identité, parce que par leur couleur de peau, parce que c'est une discrimination. Si on veut dire, c'est une discrimination raciale ou fasciste. Une nation ou un pays qui, comment dire, reconnaît que la discrimination raciale est punissable, puisse ouvrir les centres fermés pour enfermer une personne sur base qu'il est étranger, qu'il n'est pas ressortissant du pays. C'est n'importe quoi. Donc pour moi, ils doivent tout être fermés, c'est pas humain. C'est la Gestapo. Pour moi, c'est le même régime qu'on a fait, comment dire, autant. Les Allemands ont fait autant d'Hitler. On enfermait des juifs et non, il manquait la chambre à gaz, quoi. Il manquait ça. Sinon, c'est la même chose. Donc, je pense à Samira Adamou qui a été étouffée. Je pense à tous les autres qui sont lynchés. Il y en a qui ne veulent pas être expulsés, qui se débattent, qui sont tapés, qui sont. Voilà, ils sont considérés comme moins que rien. Et quand ces policiers, ils en copalent, ces gens veulent leur report. On peut entendre des témoignages de gens qui sont traités des moins que rien, des sales noirs, tu vois rien, retourne chez toi, des propos racistes chez les policiers. Donc, on va où? C'est ça la question, on va où? Ils m'ont enfermé. Je suis resté 8 mois enfermé. Aujourd'hui, je suis encore là. J'ai encore mes papiers. Ça servait à quoi qu'ils m'enferment? Attiser ma haine? Attiser ma rage? À quoi? Tu y penses encore des fois aujourd'hui? Ah, mais c'est clair. Mais c'est normal que j'y pense. Je pense que, énormément que l'État belge, c'est un État hypocrite. C'est un État hypocrite parce que je peux donner vite fait une anecdote. Justement, le jour où on est parti en manifestation, il y a un couple qui était là. Il disait, mais écoute, c'est vrai que ceux qui travaillent, ils doivent être libérés, mais ceux qui ne travaillent pas, ils doivent être expulsés. Hein. Je te regardais, madame, arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez. Mais ceux qui ne travaillent pas, là, pourquoi ils ne travaillent pas? Pourquoi ils sont obligés de quitter leur pays? Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Que la Belgique ou l'Europe a tendance à donner une image d'elle, d'être un pays accueillant, d'être le paradis, justement, pour attirer le main-d'œuvre dans son pays. Et une fois qu'il y a trop de main-d'œuvre, qu'il n'y a plus de boulot, oh, dégagez. C'est une hypocrisie. Aujourd'hui, les Congolais qui sont enfermés à l'heure actuelle, s'ils sont dans cette condition, parce que le Congo a été pillé par la Belgique, et les pays des puissances occidentaux, hein. Aujourd'hui, c'est complètement l'hypocrisie, quoi. Je trouve pas ça correct. Qu'est-ce que tu as vu de plus dur dans les centres fermés? Les centres fermés, ce que j'ai vu de plus dur, c'est les enfants enfermés. On peut pas enfermer un enfant. De quel droit on fait enfermer un enfant? De quel droit? Comment t'as pu expliquer à ta fille que t'étais 8 mois dans un centre? Je l'ai expliqué en disant que l'homme blanc est mauvais. Oui, mais j'ai plus argumenté que ça. Hein. Et elle a compris. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, donc là, elle est toute contente que j'ai reçu mes papiers. Et voilà, donc ici que papa, il est plus illégal. Donc, fait, elle est belge. elle est belge. Elle est née ici. Sa mère est belge. J'avais fait une demande d'établissement en tant que père d'un enfant belge. Ils m'ont répondu que c'était sans objet parce que ma fille ne pouvait pas le prendre en charge. Et voilà, quoi. Donc, je suis resté encore pendant un certain temps sans rien à cause de ça. Bah écoute, merci. Mais derrière.